Chapitre 34e. Le lendemain, mardi 9 avril, à 11 h du matin, Great Eastern levait l'ancre et appareillait pour entrer dans le Hudson. Le pilote manœuvrait avec une incomparable sûreté de coup d'œil. L'orage s'était dissipé pendant la nuit. Les derniers nuages disparaissaient au-dessous de l'horizon. La mer s'animait sous l'évolution d'une flottille de goélettes qui ralliait la côte. Vers 11 h 30, la santé arriva. C'était un petit bateau à vapeur portant la commission sanitaire de New York. Muni d'un balancier qui s'élevait et s'abaissait au-dessus du pont, il marchait avec une extrême rapidité et me donnait un aperçu de ces petits tenders américains, tous construits sur le même modèle, dont une vingtaine nous fit bientôt cortège. Bientôt, nous eûmes dépassé le lightboat, feu flottant qui marque les passes du Hudson. La pointe de Sandy Hook, l'ancre sablonneuse terminée par un phare, fut rangée de près. Et là, quelques groupes de spectateurs nous lancèrent une bordée de hurrahs. Lorsque le Great Eastern eut contourné la baie intérieure formée par la pointe de Sandy Hook, au milieu d'une flottille de pêcheurs, j'aperçus les verdoyantes hauteurs du New Jersey, les énormes forts de la baie, puis la ligne basse de la grande ville allongée entre le Hudson et la rivière de l'Est, comme liant entre le Rhône et la Saône. À 1 h, après avoir longé les quais de New York, le Great Eastern mouillait dans le Hudson et les ancres se crochaient dans les câbles télégraphiques du fleuve qu'il fallut briser au départ. Alors commença le débarquement de tous ses compagnons de voyage, ses compatriotes d'une traversée que je ne devais plus revoir, les Californiens, les Sudistes, les Mormons, le jeune couple. J'attendais Fabian, j'attendais Corsican. J'avais dû raconter au capitaine Anderson les incidents du duel qui s'était passé à son bord. Les médecins firent leur rapport. La justice n'ayant rien à voir dans la mort de Harry Drake, des ordres avaient été donnés pour que les derniers devoirs lui fussent rendus à terre. En ce moment, le statisticien Cockburn, qui ne m'avait pas parlé de tout le voyage, s'approcha de moi et me dit « Savez-vous, monsieur, combien les roues ont fait de tours pendant la traversée ?»« Non, monsieur. »« 100 723, monsieur. »« Ah, vraiment, monsieur ?»« Et l'hélice, s'il vous plaît. »« 608 130 tours, monsieur. »« Bien obligé, monsieur. » Et le statisticien Cockburn me quitta sans me saluer d'un adieu quelconque. Fabian et Corsican me rejoignirent en ce moment. Fabian me pressa la main avec effusion. « Hélène, me dit-il, Hélène guérira. » Sa raison lui est revenue un instant. Adieu est juste, il la lui rendra tout entière. Fabian, parlant ainsi, souriait à l'avenir. Quant au capitaine Corsican, il m'embrassa sans cérémonie, mais d'une rude façon. « Au revoir, au revoir » cria-t-il. Lorsqu'il eut pris place sur le tender où se trouvaient déjà Fabian et Hélène sous la garde de Mrs. R., la sœur du capitaine McElwyn, venue au-devant de son frère. Puis le tender déborda, emmenant ce premier convoi de passagers au pire de la douane. Je le regardais s'éloigner. En voyant Hélène entre Fabian et sa sœur, je ne doutais pas que les soins, le dévouement, l'amour, ne parvinssent à ramener cette pauvre âme égarée par la douleur. En ce moment, je me sentis saisi par le bras. Je reconnus l'étreinte de Dr. Dean Pitferge. « Eh bien, me dit-il, que devenez-vous ? » ?»« Ma foi, docteur, puisque le Great Eastern reste 192 heures à New York et que je dois reprendre passage à bord, j'ai 192 heures à dépenser en Amérique. Cela ne fait que 8 jours, mais 8 jours bien employés. C'est assez peut-être pour voir New York, le Hudson, la vallée de la Mohawk, le lac Erie, le Niagara et tout ce pays chanté par Cooper. Ah. « Vous allez au Niagara ?» s'écria Dean Pitferge. « Ma foi, je ne serais pas fâché de le revoir. Et si ma proposition ne vous paraît pas indiscrète ?» Le digne docteur m'amusait par ses lubies. Il m'intéressait. C'était un guide tout trouvé, et un guide fort instruit. « Topez-la !» lui dis-je. Un quart d'heure après, nous nous embarquions sur le tender, et à 3 h, après avoir remonté le Broadway, nous étions installés dans 2 chambres du Fifth Avenue Hotel.